sera pas sans une once de sombritude. Tant que je suis là, je dérape pas, je fais le rapace. Y'a pas de censure, donc ce son gritu. Je kick et j'aboie de la rime. Écriture naissante, je t'explique. Je l'écriture les samples à la boîte à rythme. C'est le quotidien, toute vertu j'exprime. Je laisse à part ce qui les abatte. J'ai cet qui tient l'ouverture d'esprit. Je résume à ça, chaque levée de soleil m'accable. Ce qui m'accable, qui, malgré le fait que j'sommeille, tu le présumes massacre. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. Explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Et je visite chaque sommeur à ma son fa, tama son foie. Rap de basse, ceux qui s'en échappent sont morts. Ici, je fais de mes valeurs mes principaux atouts. Je lève à l'heure pour le taf, donc n'est crainte s'il faut que ça tourne. Je revendique les excès dans la maîtrise de soi. Je peine à croire qu'en faire part lorsque la maîtrise te soigne. Mais bon, j'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. J'aime rapper mes singeries un peu partout quand je traîne mon cul primate. Explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. J'experso, non trop perso, merde, encore perso, je déchire la feuille. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. Y'a pas de sourire dans la morceur, c'est clair dans le vide, j'm'enferme. J'explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Et donc il me semble que ça bousille mon âme. Grave des péripéties seules, mais dans le fond, parle pour 4 ou 5. Grave des péripéties, ce par contre, t'as tout sème. Dans la droiture plus qu'en diagonale. Crois-tu que c'est maladroit que tu refuses? Ganja cola, les chaque coucher de soleil on s'éclipse. Comme lanterne, c'est le désastre. Cross équipe, c'est le désastre. Dès qu'on ressasse, qu'on enterre. Dire qu'on est mieux dans ce canton s'alcoolise. On se persuade que ça va, c'est qu'on est mieux quand on s'alcoolise. Je m'y consacre bien plus lorsque ça m'écorche. Explicite, je suis comme ça, bien plus que face à mes proches. Et je plissis, sous le poids des années, mon corps me fait des siennes. Que mon cœur dans ce décor te fait les scènes. Ici, on prétend tous pouvoir se tailler de cet endroit terne et rompre. On arrêterait de courir sachant que la terre est ronde. Le besoin d'être au calme retrouve son plein sens en ville. Je suis avec eux, les frères au cabre, on fait la fête sans envie. Alors j'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. J'aime rapper mes singeries un peu partout quand je traîne mon cul primate. Explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. J'experso, non trop perso, merde, encore perso, je déchire la feuille. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. Y'a pas de sourire dans la morceur, c'est clair dans le vide, j'm'enferme. J'explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Qui est donc il me semble que ça bousille mon âme. Vu chaque instant vécu reste éternel et qu'on a que ça, donc à quoi se rattacher? Tant que la poisse sera cachée, je reste déterminé. C'est un petit feu que des vis consume, ça les calcine d'un bout à l'autre. Un doute alors, ça reste assis. Inactif, les fistons sus, procéder à des tas de sons. Boucler chaque projet naissant, se ronger les cendres. Frappe à faire gros, c'est des rap. Pas de pronostic, mec, j'mets la pression sur chaque track. Bellatré le son, tu jacques track. Si t'aimes pas trop nos styles, explicite, j'suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Esquissi, j'm'y consacre, bien plus que j'pense à mes proches. Et j'dissipe toutes les angoisses et les craintes dans le rap que j'aime entendre. Gêne en tank, tout est sans le poids de ses étreintes. Ici, des virites mais de prise de tête sur des classiques, vaut mal. D'après nos tristes textes, sur d'être la cible au mal, on s'obstine. Vu que les pensées colériques, on en s'en sépare. Comment s'en sépare de parler de passe et qu'on hérite donc. Consacre bien plus de temps qu'à mes proches. J'aime rapper mes singeries un peu partout quand je traîne mon cul primate. Explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. J'experso, non trop perso, merde, encore perso, je déchire la feuille. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. Y'a pas de sourire dans la morceur, c'est clair dans le vide, j'm'enferme. J'explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Qui est donc il me semble que ça bousille mon âme. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. J'aime rapper mes singeries un peu partout quand je traîne mon cul primate. Explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. J'experso, non trop perso, merde, encore perso, je déchire la feuille. J'y consacre bien plus de temps qu'à mes proches. Y'a pas de sourire dans la morceur, c'est clair dans le vide, j'm'enferme. J'explicite, je suis comme ça, bien plus que quand ça m'écorche. Qui est donc il me semble que ça bousille mon âme. L'écriture, c'est un besoin. Des clichés dans la tête. C'est pour mes rescapés, les miens. Fais mon taf en indécent à vous. Ma seule devise, c'est frac, frac. Je rappe parce que j'ai 55. On reste coincé dans l'ombre, y'a trop de lumière, on l'a tamise.